jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 2 mars 2020. Voici quelques titres. La coalition de partis politiques Kira Burundi a choisi l'ancien président Domitien Ndayizeye comme son candidat à l'élection présidentielle de mai prochain. Vous l'entendrez, il a fait une déclaration à la presse et il a dit que le Burundi regorge de beaucoup de potentialités qu'il faut exploiter. L'administrateur directeur général de la SUSMO, la société sucrière du Mosso, affirme que la pénurie de sucre ou l'augmentation de son prix à certains endroits relève de la pure spéculation et annonce d'ailleurs que 8 grossistes ont été rayés de la liste des distributeurs ce mois de février. Et de fortes pluies tombées hier au sud de la capitale Bujumbura ont occasionné d'énormes dégâts matériels. Les habitants réclament la réhabilitation des rues et canalisations. Dans ce journal également, certains agriculteurs de la province de Karusi se plaignent du manque d'engrais malgré le paiement du solde, alors que 60 tonnes d'engrais de type urée ou totaz ont été distribuées aux cultivateurs en commune Gihanga de la province Bubanza depuis ce lundi matin. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, certains agriculteurs de la province Karusi se plaignent du manque d'engrais malgré le paiement du solde. Ils déplorent que même la saison culturelle présente touche à sa fin sans avoir fait de semis, ce qui est confirmé par certains agronomes qui expliquent que la plupart des agriculteurs de Karusi préfèrent semer le haricot grimpant, nécessitant une grande durée. Le directeur provincial de l'agriculture tranquillise ces agriculteurs de Karusi en indiquant qu'actuellement l'approvisionnement a été amélioré en apportant de l'engrais DAP pour supplémenter l'engrais FOMI qui se trouve en insuffisance. Blaise Pascal Kararoumié. Certains de ces agriculteurs de la province Karusi indiquent qu'ils se présentent plusieurs jours avec leur ticket de paiement de solde d'engrais FOMI, mais sans être servis. Ils déplorent que même ceux qui sont servis reçoivent des quantités insuffisantes, un sac de 25 kg pour chaque famille. C'est du moment que ces derniers jours, ils étaient rangés colline par colline et chaque responsable collinaire recevait 12 à 15 sacs de 25 kg pour sa population. Les agriculteurs disent regretter que la présente saison culturelle risque de prendre fin sans avoir semé suite au manque de cet engrais, ce qui est même confirmé par certains agronomes contactés qui expliquent que la plupart des agriculteurs de la province Karusi préfèrent semer le haricot grimpant, le haricot qui nécessite une longue période de pluie, disent ces agronomes. Au bilan provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, on indique avoir déjà distribué environ 1300 tonnes d'engrais FOMI Imbura sur environ 2000 tonnes qui étaient prévues. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage et de l'environnement tranquillise les agriculteurs de Karusi en signalant que déjà 100 tonnes d'engrais de type DAP qui étaient alors utilisées sont déjà présentes dans le stock. Il indique que l'approvisionnement est actuellement en suffisance de façon que tout agriculteur sera servi. Jean Sévéré Sinzo Batohana précise que l'engrais est en train d'être acheminé vers les zones de distribution dans les zones les plus nécessiteuses actuellement au niveau de la province. Il signale que tout agriculteur sera servi juste avec cette semaine afin qu'il puisse s'aimer. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise, et vous saurez que 60 tonnes d'engrais de type urée ou totaz ont été distribuées aux cultivateurs en commune Gihanga de la province Bubanza ce lundi matin. Certains cultivateurs qui étaient présents sur les lieux de distribution réclamaient l'engrais pour lequel ils ont payé pendant la saison A et les responsables agricoles indiquent que ces cultivateurs doivent attendre leur tour. Et parlons maintenant pénurie de sucre. C'est dans la province de Kirundo où au centre urbain, le manque de sucre devient une question très préoccupante. Le kilogramme s'achète à 4000 francs burundais et ne s'obtient que dans la discrétion totale. Les détaillants affirment qu'ils obtiennent un sac de 50 kg pour un prix variant entre 150 000 et 175 000 francs burundais, comme le rapporte notre correspondant Abraham Safari. La pénurie de sucre au centre urbain de Kirundo devient une question pertinente ces jours-ci. Tous les magasins des grossistes sont vides, de même que les boutiques qui font des détails. Certains consommateurs du sucre qui ont parlé sur le micro de la radio Isanganiro nous ont fait savoir que lorsqu'ils trouvent là où ils peuvent acheter ce sucre, le kilogramme s'achète à 4000 francs bout, alors qu'il s'achetait auparavant à 2500 francs. Nous avons contacté un grossiste connu à Kirundo. Il nous a fait savoir que la réponse qu'ils obtiennent de la Sosumo est qu'il y a la diminution du sucre dans cette entreprise. Nous avons cherché l'administrateur de la commune de Kirundo pour savoir s'ils ont échangé cette question avec les grossistes, mais nous l'avons manqué. La population s'inquiète beaucoup de cette situation qui s'aggrave de jour en jour car elle manque de quoi donner à leurs enfants ainsi que des malades qui ont besoin de quoi boire et elle demande le dénouement de cette question. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Safari. L'administrateur directeur général de la Sosumo rassure plutôt que la quantité suffisante pour couvrir tous les besoins est disponible dans les entrepôts de cette société. Aloïse Ndaïkengurukiye dit que pour le mois de février, 8 autres grossistes spéculateurs ont été rayés de la liste des distributeurs. Il demande à l'administration et aux forces de l'ordre de collaborer pour faire respecter le prix officiel. On l'écoute. Nous sommes au courant qu'il y a des spéculateurs dans ce marché de sucre. Et nous avons pris des mesures pour essayer de redresser la situation. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des commerçants qui continuent toujours à spéculer. Et on continuera à prendre d'autres mesures. Et d'ailleurs, pour ce mois de février, après une descente que l'on a faite au niveau de la mairie, on a trouvé 8 grossistes qui continuent à faire des spéculations, soit en cachant le sucre, soit en augmentant les prix. Et on a décidé immédiatement de les rayer de la liste de nos grossistes. Alors, des mesures vont toujours continuer, mais nous demandons toujours l'appui de l'administration, l'appui des forces de sécurité, pour essayer vraiment de ramener à l'ordre toute personne qui est intéressée de hausser les prix ou cacher le sucre. Oui, il y a quelques mois, vous aviez rayé de la liste des grossistes à peu près 100 grossistes et aujourd'hui, c'est 8 que vous venez encore de rayer. Est-ce que cette pénurie qui persistait était causée par les 8 ou quoi? Bon, ce n'est pas seulement les 8. Ça, c'est un exemple que je viens de vous donner. Sinon, on continue à faire des descentes avec l'administration. Si demain ou après-demain, on trouve d'autres spéculateurs, on n'hésitera pas vraiment à les rayer de la liste. Il y a des informations qui disent que le sucre produit par la Sosumo serait exporté. Ces informations sont vérifiées ou non? Non, à ce niveau, on n'a pas vraiment des informations vérifiées sur lesquelles on peut travailler. Mais ce que l'on demande, c'est que l'administration et les forces de l'ordre qui travaillent soit aux côtés frontières, qu'ils soient toujours vigilants. Afin qu'une fois si on trouve que réellement le sucre traverse les frontières, on puisse prendre des mesures conséquentes. Donc la Sosumo rassure que la production est suffisante pour couvrir tous les besoins du pays. Nous rassurons tout le monde que le sucre est en quantité suffisante et si vous voulez vous-même vérifier, vous pouvez faire une descente au niveau de nos entrepôts. On a un stock à Gihofi, on a un stock à Bujumbura, on a un stock à Gitega, on a aussi un stock à Ngozi. Donc le prix de 2340 par kilo devrait être respecté. Il doit être respecté, sans autre spéculation. C'était l'administrateur directeur général de la Sosumo, Aloïse Ndaïkengurukiye, au téléphone avec Oban Nyonguru. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La coalition de partis politiques Kira Burundi a choisi l'ancien président Domitien Ndayizeye pour la représenter à l'élection présidentielle de mai prochain. Dans sa déclaration à la presse, Domitien Ndayizeye a fait remarquer que le Burundi regorge de beaucoup de potentialités qu'il faut bien exploiter pour relever l'économie nationale. On l'écoute. La première chose, c'est que dans ce pays, il existe un environnement favorable aux activités. Cet environnement favorable commence par la garantie des libertés publiques, le respect des droits de l'homme, Et je ne crois pas que, au vu de la situation actuelle du Burundi, ce soit ce qu'on observe. Une deuxième voie, c'est celle de préparer de manière technique le développement de ce pays, à savoir le combat contre le chômage, à savoir l'amélioration de l'agriculture pour non seulement une meilleure production, mais aussi une meilleure transformation. Mais c'est également l'économie. Vous connaissez la place qu'occupe aujourd'hui notre pays. Et vous savez également l'état général de développement de notre pays, plutôt de sous-développement. Ce qui laisse à dire qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce pays. Et nous avons beaucoup d'intellectuels en chômage aujourd'hui. C'est uniquement la façon de les organiser qui manque. Je suis donc de ceux qui sont convaincus que dès lors que nous organisons ce Burundi avec amour et avec compétition, avec compétence, je veux dire, en mettant à profit les compétences de chaque Burundais, et ce pays ne tardera pas à se développer à la grande surprise des pays de la sous-région et de la communauté internationale. Bien entendu, dans ce travail, le Burundi ne doit pas être seul. Le Burundi ne doit pas être seul. Il aura besoin de la coopération avec la communauté internationale. Il aura besoin des forces vives de la nation. Mais il aura besoin de cette quiétude dont je vous ai dit tantôt. Je ne doute donc pas, au vu de mon expérience des années antérieures, que les Burundais veulent réellement se mettre ensemble pour d'abord se garantir les uns les autres la paix, pour se réconcilier et enfin pour se mettre à l'œuvre pour le développement d'eux-mêmes et de leur nation. Le président Domitien Ndayizeye et les membres de l'association Unissonon pour la promotion des Batois Uniproba demandent à la Commission électorale nationale indépendante CENI de bien identifier les représentants des Batois à coopter dans les deux chambres du Parlement. Ces Batois sont appelés à défendre les intérêts de leur communauté au lieu de privilégier les intérêts personnels. Ces souhaits ont été exprimés ce dimanche en Assemblée générale de présentation du rapport annuel de 2019 et de planification des activités de 2020. Des candidats à la cooptation par la CENI ont également été élus. Les détails avec Adrien Dimurukundo. C'était lors de l'Assemblée générale de l'organisation Unissonon pour la promotion des Batois Uniproba ce dimanche où les membres de cette organisation procédaient à l'élection des candidats qui voulaient représenter au Parlement. Les membres de cette association demandent à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de vérifier les noms des candidats qui les seront présentés. Les membres de l'Uniproba demandent à ceux qui veulent représenter de défendre l'intérêt du pays sans oublier les leurs. Emmanuel Nengo, représentant légal de l'Uniproba, rassure les membres de la communauté batois que les candidats choisis vont les représenter valablement. C'est déplorable que celui qui commet une faute et qui subit des punitions crée une autre association, pas pour l'intérêt des batois, mais plutôt pour son propre intérêt et achemine son nom à la CENI, soi-disant représentant d'une association des batois, pour réclamer d'être coopté pour la représentation du peuple. Menedor Ndaikengurukiye, qui a représenté le ministère de l'Intérieur, dit que les Batois ont droit de créer d'autres associations sans toutefois créer du désordre. Amutwa est une personne comme d'autres, comme un retour ou comme un tout. Il peut créer une organisation pourvu qu'il ne vienne pas détruire les organisations des Batois. Si on le bloque de créer une organisation, son droit serait bafoué. Qu'il crée une organisation comme celle de développement agricole ou de poterie pour contribuer dans le développement du pays. Mais pas question de créer une organisation pour décrocher un poste. Six postes sont réservés pour les tenitoires dans les deux chambres du Parlement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons maintenant infrastructure avec ces habitants du sud de la capitale économique Bujumbura dans les zones Moussaga et Kanyosha qui demandent la réhabilitation des rues et canalisations. Ils le disent au lendemain de fortes pluies et ont occasionné des dégâts matériels. Mireille Kanyangé a fait le tour de certains endroits. Voici son constat. Notre première escale, c'est à l'avenue venant de la zone Moussaga vers la paroisse Sainte-Anne. Elle était jadis goudronnée. Aujourd'hui, des eaux du ruisseau Nyakivumba l'ont au fil du temps détruite. Plus loin, nous descendons vers le marché de Moussaga, à côté dans une canalisation de l'eau coule, et traverse la route asphaltée qui commence à s'affaisser au niveau de Chembalilimbani et près de Le Traco. Pour un habitant trouvé à cet endroit, Les dégâts deviennent de plus en plus innombrables. Nous continuons notre chemin, descendant, passant par le boulevard Mutaga 3, nous empruntons la 12e avenue du quartier Kinanira vers la zone Kanyosha. Nous nous arrêtons à l'endroit dit Transfo où l'on vend des fruits. Une femme y tient son commerce. Elle s'étonne de l'état défectueux de la 12e avenue et demande qu'elle soit pavée. De là, nous continuons notre chemin à l'avenue du Papayer. De l'eau coule devant nous en ruisseau se forme, passant entre un centre de santé de Boussoro et Home House Mercy. Le dit ruisseau contient des eaux de l'autre ruisseau Gachanjishi provenant de la montagne surplombant le quartier Boussoro. Après une marche, nous arrivons à la 2e avenue de ce quartier Boussoro. Là, un ravin s'est creusé dans lequel le Gachanjishi se déverse. Une femme que nous y rencontrons explique que ce ruisseau a dévié de son lit durant le week-end pendant de fortes pluies au moment où elle préparait le repas. Elle a été surprise dans la maison par les eaux de ce ruisseau. Tous demandent la réhabilitation des routes, rues et canalisations bouchées avant qu'il ne soit tard. Merci Mireille. Au centre de négoce de Guitaza, commune Mouta de la province Rumonge, des habitants disent être inquiétés par le glissement de la montagne surplombant cette localité. Ces habitants demandent une intervention rapide des pouvoirs publics. Diomède Ndimurugohe, administrateur communal de Mouta, dit que des actions de stabilisation de la zone affectée à la hauteur de la commune ont été vouées à l'échec et demande l'intervention du ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Jean-Pierre Misako. Il s'agit là des inquiétudes de la part des habitants vivant au pied de la montagne surplombant le centre Gitaza, des habitants gagnés par une peur panique et qui n'arrivent pas à dormir, surtout quand il pleut la nuit. Ceux qui se sont exprimés demandent au pouvoir public d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Odase Atungimana, habitant cette localité, va jusqu'à affirmer qu'il est prêt à abandonner sa parcelle si l'administration lui propose une autre parcelle où il peut vivre tranquillement. Diomède Ndimurugohe, administrateur communal de Muhuta, dit que les actions menées par la commune, notamment la plantation d'arbres, l'aménagement des haies anti-érosives, l'interdiction d'accès à cette zone n'ont pas abouti à la stabilisation de la zone. Pour lui, le ministère concerné est interpellé. Je peux lancer un appel aux autorités supérieures et surtout les autorités du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et avec leurs techniciens qui ont fait des études approfondies, de venir faire leurs études. Cette montagne qui continue de glisser se trouve sur une ligne de cassure de l'écorce terrestre allant jusqu'à Kijéjété au sud de Gitaza, selon cet administrateur communal. Jean-Pierre Misago depuis Gitaza, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et en bref, avant la chronique sport, comme tous les lundis, la formation de football Moussonga TFC a battu Flambeau du Centre par 4-1 lors des matchs de la 23e journée du championnat national de la première division dénommée Primus League. Cette victoire a permis à l'équipe Moussongati de regagner la première place du classement provisoire avec 46 points. Et malgré l'égalisation de deux buts partout avec Aigle Noir, l'équipe de Ngozi City occupe toujours la dernière position avec 15 points. Et c'est la formation de Vitalo FC qui occupe pour le moment la troisième place avec 39 points après sa victoire de 3-1 face à la formation L'Hélière. Et en actualité internationale, 4 étrangers détectés du coronavirus à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda ont été placés en quarantaine ce lundi, comme le souligne le ministre ougandais de la Santé, mais qui ne précise pas la provenance de ces personnes. Il a seulement fait savoir que leurs tests ont été amenés au laboratoire et que les résultats seront publiés. Et l'Algérie confirme deux nouveaux cas de coronavirus. Il s'agit d'une femme de 53 ans et de sa fille de 24 ans. Les deux patientes n'avaient pas de signes visibles de la maladie. Elles ont été placées en quarantaine. Les deux femmes avaient accueilli deux autres provenant de France et qui ont été testées positives au coronavirus à leur tour. Et en Guinée-Bissau, pays en pleine crise post-électorale, le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, investi président par intérim vendredi soir, a annoncé à la mi-journée de ce dimanche 1er mars qu'il renonçait à son poste. Et lors d'une brève déclaration depuis son domicile de Bissau, surveillé par des soldats de l'école, Kalib, la force de la CDAO et des militaires. Cipriano Kassama a expliqué être menacé. Il dit aussi vouloir éviter une confrontation dans l'intérêt de la nation et de la population. Cipriano Kassama a été investi vendredi soir à l'Assemblée nationale par 52 députés, essentiellement du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, la principale formation politique du pays. Radio Isanganiro, chronique sport. Le carton jaune en football est donné à un joueur fautif comme un signe d'avertissement, car s'il continue à se comporter mal, il obtient un carton rouge qui l'exclut du jeu en cours. Et c'est ce qu'explique le président de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Jean-Claude Niyongabo ajoute que même les supporters d'une équipe peuvent être sanctionnés de ne pas fréquenter les stades pour une période déterminée en cas de méconduite flagrante. Marie-Claire Cazenez. Un arbitre de football donne au joueur le carton jaune comme signe d'avertissement, car s'il continue à se comporter mal, il obtient un second carton jaune, équivalent au carton rouge, ce qui lui exige de quitter immédiatement le terrain. Ce sont les propos de Jean-Claude Niyongabo, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB. Dans les lois du jeu, il y a des fautes qui sont de nature à être sanctionnées par un carton jaune. Ce sont évidemment des fautes qui ne sont pas des fautes très graves. Ce sont des fautes qui ne sont pas de nature à endommager ou à causer du danger grave à l'intégrité physique d'un joueur. Cet expert en arbitrage de football précise que souvent, un arbitre octroie directement le carton rouge selon l'excès d'engagement d'un joueur. Il y a d'autres, par contre, qui peuvent être sanctionnés directement par un carton rouge. Les fautes qui sont commises par excès d'engagement, où vous voyez que le joueur vient pour justement faire du mal à son adversaire. Mais un carton rouge peut aussi être distribué lorsque une faute méritant un carton jaune est suivie quelques instants après par une autre faute méritant un carton jaune. Donc deux cartons jaunes font un carton rouge. Il y a aussi des injures à l'encontre des joueurs adversaires ou à l'encontre des officiels dont les arbitres. Ces fautes sont de nature à être sanctionnées par un carton rouge direct. Jean-Claude Niyongabo indique qu'une équipe est sanctionnée par un forfait lorsqu'elle ne se représente pas dans le terrain au temps prévu par le règlement de la compétition. Un forfait peut arriver lorsque, au bout d'un certain temps, les équipes qui étaient censées arriver au terrain en temps qui a été prévu par le règlement de la compétition, l'une des équipes ne se présente pas ou les deux équipes ne se présentent pas. Dans ce cas-là, l'arbitre fait rapport et le transmet à l'organisateur qui est la commission des compétitions qui le fait au nom de la Fédération de football du Burundi. L'écart des comportements des spectateurs sont certaines raisons qui poussent l'organisateur de la compétition à les empêcher de fréquenter les stades, selon ce président chargé de la compétition au sein de la Fédération burundaise de football FFP. Il peut y avoir des écarts de comportement où les spectateurs peuvent manifester des comportements qui ne sont pas de nature à être tolérée. La fédération, à travers la commission de discipline, peut imposer des sanctions à ses spectateurs de se ressaisir suivant la sanction qui leur a été imposée. Ça peut être une sanction intermédiaire, une sanction de quelques périodes, ou ça peut être une sanction tout simplement définitive de ne plus venir au stade. Dans la prochaine chronique sportive, Jean-Claude Niyongabo expliquera sur l'arbitrage de football avec l'utilisation de la technologie moderne appelée VAR, qui signifie en anglais Video Assistance Referee. Merci Marie-Claire Cazenez. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi.